de Pré-Jappère, sur le chemin de la Crémaillère. peut-être au point de technique de repérage des impacts des gouttes d'eau. Car je vois justement pas évident.